Les belles rencontres. Aujourd'hui, la conclusion de l'entretien de Anne avec André Pelletier. Puis l'acrylique, mais quand même, ça rejoint un peu, je trouve, ton dessin à la mine, parce qu'il y a de la précision. Même si c'est plus carré, comme, ouais. C'est quand même précis, tu sais, c'est pas tout... Ouais, sauf peut-être les dernières, t'as pas vu celles que j'étais en train de faire, ça peut-être un peu contredire ce que tu dis là, mais dans les premières choses, oui, mais ça fait plus référence à les impressionnistes. OK, les impressionnistes, ouais. OK. Des taches de couleur, puis... Comme sur un à côté de l'autre, là. Ben, t'as vu celle qui est carrée, c'est quand même une impression aussi. Même la peinture des boulots que tu vois, c'est aussi presque pas du pointillisme parce que c'est pas long, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même peut-être pas celle-là, celle-là, il y a quelques impressions, mais ça, c'est celle-là, c'est ça. J'ai plusieurs influences, j'ai d'autres trucs là-bas qui sont différents. J'essaie de varier, mais je veux pas toujours faire la même affaire. Déjà, dans le dessin, un de mes enfants m'approche, il me dit toujours, hein, c'est toujours la même affaire. Ouais, c'est sûr que d'un dessin à l'autre, ça peut se ressembler parce que c'est toi qui le fais aussi, c'est, je sais pas, c'est une continuation, il y a une évolution tranquille. Ouais, c'est vrai que ça se ressemble, là, mais j'aimerais ça être capable de varier plus que ça, mais c'est pas mais le but. Le but, c'est d'avoir du plaisir en le faisant. C'est ça. Puis aussi, une chose, c'est que quand on voit tes dessins, on sait que c'est toi. Ouais. Si tu changes beaucoup de style, ben là, on saura plus que c'est toi. Ouais. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que tu as développé toi-même, là. Oui, hein, ouais, c'est sûr que... Tu as découvert ton... sans vouloir... C'est un style particulier, c'est ça. Qu'on ne retrouve pas partout. Non, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'on ne le trouve pas partout, même ailleurs. Oui, c'est... Ben, mettons que ça fait une partie de mon originalité. Oui, ben c'est ça, le côté artistique aussi, personnel des gens. Alors, pour l'acrylique, parce que là, je vois aussi que tes crayons, tu as toute une nuance hein, de gris, de plus pâle, de noir, mais pas, oui, un petit peu de noir. Donc, l'acrylique, c'est pas du monochrome, tu fais plein de couleurs. Oui, oui. Parce que tu aurais pu aussi exploiter le monochrome dans l'acrylique, oui. Mais t'aimes la couleur. Oui, la couleur me fascine aussi. Quand j'ai commencé à faire de la peinture à l'huile, juste mélanger les couleurs, ça me fascinait, je trouvais ça très attrayant, j'aime la couleur, ça, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que c'était arrivé, avec tes dessins, de mettre la couleur dessus? Moi, j'ai essayé un petit peu, j'ai commencé, puis ça n'a pas marché parce que ça barbouille trop, la mine se mélange trop, avec de la craie, là, du pastel. Du pastel, puis le pastel, ça faisait pas un bon résultat. Je vais peut-être essayer autre chose plus tard, mais ça presse pas. Là. C'est ça, pour l'instant, ça va bien comme c'est ça. Mais t'as quand même fait l'essai. Parce que t'aimes expérimenter. C'est un truc qui aurait pu être intéressant, mais je trouve mal propre pour arriver à faire quelque chose de bien pour l'instant, en tout cas. Moi, je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est ça, ça fait des petites poudres. Ça s'étale facilement, la mine. Surtout quand t'as une mine plus grave, ça. Ça veut-tu dire que t'as des mines sèches puis des mines plus grasses aussi? Oui, en plus de la grosseur? Ben non, mais le plus tu vas haut dans le B, plus c'est gras. OK, Plus tu vas haut dans le H, plus c'est sec, plus c'est dur. Fait qu'elle s'étale moins. Le H est hard, puis c'est peut-être pour ça. Le B, c'est... Je sais pas la définition du sommet. Bon, en tout cas, ce sera une petite référence à retenir. Fait que là, tu possèdes et maîtrises vraiment beaucoup ta technique par des traits très fins au crayon. Fait que quand tu peins à l'acrylique, est-ce que tes pinceaux sont aussi sont petits? Non. Non, ils sont pas petits. Non, c'est complètement différent. J'ai bien de la misère à être précis. C'est plus flou, mes affaires en acrylique. J'ai pas essayé non plus de reposer ce que je fais à la mine. Puis faire de l'acrylique dans le même genre, ça ne me le dit pas. Parce que pour toi, c'est deux médiums vraiment différents. Oui, oui, c'est complètement. Pour moi, oui, c'est complètement différent. C'est pas. Je sais pas, j'ai pas essayé encore. Il y a des gens qui me disent qu'ils devraient essayer. Je sais pas. Je vais aller peut-être plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas ça que t'as envie de faire. Non, c'est ça. J'essaie des nouveaux trucs tout le temps. Fait que, puis c'est pas. C'est pas ça. Je te montrerai, t'as si tu veux venir dans la gare, je vais voir ce que je fais, là, j'en ai 3 ou 4. À l'acrylique? Oui. Est-ce que c'est toujours des grands formats aussi que tu fais à l'acrylique? Oui. C'est comme ça pour la mine, c'est pareil? Oui. C'est toujours des grands formats? Oui. Est-ce que c'est comme là pour le crayon à mine, est-ce que c'est un papier spécial? C'est un carton supposément sans acide, là, pour qu'il jaunisse. Un carton sans acide? Oui. Puis avant, je faisais du papier ou un carton mince, là, comme une tablette de... Quand je fais des petits dessins, je me sers de ces tablettes-là. Ah, oui, OK. C'est quand même assez grand, malgré tout. Mes petits dessins sont assez grands. Oui. Les grands dessins sont très assez grands. Oui, ça peut être 2 pieds par au moins. Oui, par 3. Par 3. Oui, oui. Oui, puis plus que ça, des fois, oui. Mais ton acrylique, à ce moment-là, tu l'as fait sur des toiles? Oui. J'ai fait aussi sur des panneaux de maçonnerie. OK, ça se fait bien, ça aussi. Est-ce que tu mets du blanc? Oui, je mets une couche de fond blanc. Une couche de fond blanc, l'acrylique. Des fois, j'ai mis du gesso. Quand je n'avais plus, je mettais une peinture blanche là, qu'on met. C'est ça. Ça fait pareil. Ça fait tout à fait pareil, oui, ça c'est vrai, ça. Ouais. Fait que là, moi, je pense qu'André, on a fait le tour de ton univers. Ouais. Mais je sais pas si tu aurais quelque chose à raconter là que j'aurais oublié, parce que moi, je connais pas beaucoup ça. Non, pas vraiment. Ah, je voulais te demander, est-ce qu'il faut un éclairage spécial pour tes dessins? Non. Non, quand c'est sombre dehors, ben, t'as vu mon atelier quand même entouré de fenêtres. Puis quand tu fais pas clair, j'ai une lumière. Okay. J'aime quand c'est très clair, c'est sûr. Okay. C'est le fun. Puis à la grange, pour ton acrylique, c'est clair aussi? Oui, j'ai... dans le toit, c'est un comble français, okay, là, qu'on appelle. Dans le toit, j'ai mis des... au lieu d'être de la tôle, c'est du ça laisse passer d'éclairage? Oui, oui. OK. C'est un peu comme... du plexiglas, mais c'est pas vraiment ça. Okay. Mais c'est fait exprès pour ça. Ça fait que ça me donne, là où je peins, ça me donne un bon éclairage. Okay. Ah, puis je compense aussi avec un éclairage. Ouais. Parce que c'est ça, il y a du monde, des fois, qui vont préférer juste l'éclairage du nord. Mais toi, tu n'as presque tout le tour. Fait que c'est correct. Ouais. C'est ça, il y en a qui aiment mieux le nord, là, parce que c'est... Ah ouais? Ouais, c'est ça, à cause de la lumière... comme un phosphorescent, c'est blanc, là. Ah, OK. Ah, je ne savais pas. Oui, ouais, c'est là qui préfère ça. C'était le but de ma question, hein. OK, non. Je n'ai même pas au courant de ça. Ah, OK. Fait que, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne pense pas. Il me semble qu'on a fait pas mal de tour. Je sais que tu as fait des expositions à Brompton. Oui. Est-ce que tu... Puis, c'est vraiment très beau. Est-ce que tu as fait d'autres expositions? J'ai exposé... La première exposition, c'est « Aquar ». Aquar. Dans l'eau. Oh. À Thetford Mine. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ça a été, j'ai l'impression, connu par les gens qui font de la plongée. Ah, oh, oui. Puis même, j'étais supposé d'exposer au bassin olympique dans Montréal en lumière. Puis ça n'a pas marché parce que mes dessins, ils étaient lestés de barres d'aluminium, ça prenait ça dans le... C'était une ancienne carrière qui ont inondé, puis ils exposaient des dessins là-dedans parce que l'eau était très claire. Et puis, pour les bassins olympiques, mais ça prenait quelque chose qui flottait, fait que ça n'a pas marché, mon truc. Mais c'est ça, ça a été ma première exposition, ça, je pense, en 2009. C'est bien. Ensuite de ça, j'ai fait la galerie de Harfang. Oui, oui. En 2010. En 2011, je suis allé à Bramptonville. Oui, la Maison de la Culture. En 2012, j'ai fait... il y a eu une exposition à Gros Culture, ici. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ça a duré 2 jours, puis en même temps, je pense qu'il y avait le 150e de Whedon. J'ai fait 2 petites expositions en même temps. Ben, celle d'agriculture, c'était assez gros. J'avais tous mes trucs, j'avais des grands panneaux. En tout cas, j'ai travaillé pas mal pour cette exposition-là, puis ça a duré 2-3 jours. Et puis, en 2013, j'ai fait Art Focus sur le King. Ah oui. Au coin de King Belvedere, quasiment. Pas Belvedere. Wellington? Oui. Okay. Presque au coin. Au coin du Café Blabla, mais deux bâtisses plus loin ou deux entrées plus loin, c'est cette salle d'exposition-là qui est tenue par des jeunes, des étudiants. Je ne sais pas s'ils sont encore étudiants, en tout cas, ça marche encore. Et puis, en 2014, j'ai rien fait. Puis en 2015, bon, il y a eu cette exposition-là, la balade des arts, qui était la visite des ateliers d'artistes, dont tu fais partie. Oui. Puis, je pensais pas de le faire parce que, comme ça m'avait jamais rien rapporté, et puis que ça me coûtait des sous, ben, en 2014, j'avais dit que j'en faisais plus. Sauf là, quand que Robert Scalabrini m'en a parlé, puis que j'avais pas à déplacer mes trucs, ben là, je me disais, bon, pourquoi pas. Sauf que j'ai été obligé d'aller aménager ma grange, quoi. J'ai travaillé pas mal, finalement. Ah, OK, c'était la visite de la grange. Ouais, j'ai peinturé le plancher de la grange, je l'ai lavé, j'ai fait du ménage là-dedans, ça m'a pris un bon bout de temps. Bon, finalement, c'était pas mauvais de le faire, parce que dans ma grange, j'ai mon atelier de peinture, mais il n'y a pas que ça. J'ai une table de billard, j'ai une table de ping-pong que j'ai enlevée pour l'exposition, mais système de son pour les enfants, en tout cas quand nos parties des fêtes se font là, du moins du jour de l'an, avant c'était jour de l'an, et Noël se faisait là avec toute la famille de ma conjointe. Fait que c'était comme une salle de jeu pour mes enfants quand ils étaient jeunes, puis télévision, jeux vidéo, puis système de son pour la musique, en tout cas, tout ce que tu veux. Fait que, c'est ça, j'ai été obligé d'aménager pour l'exposition. Mais ça valait la peine. Oui, ben c'est ça. Ça a fait un nettoyage, puis j'ai peinturé le plancher. Une restauration en même temps. Oui, ben c'est ça, ça ne nuira pas. Là, pour non, ça va continuer. Oui, c'est ça. Ça faisait être très invitant aussi. Eh bien, je te remercie bien gros. Fait que je te souhaite d'autres expositions. Oui, merci. Puis je pense que ton art rejoint tout le monde. Tout le cœur des gens, que ce soit des jeunes, des plus, des moins jeunes. Ouais. Je pense que c'est un art qui rejoint tout le monde. Ben merci. C'est vraiment beau, particulier. Il y a des symboles. Dans tes dessins, on peut voir plein de petites choses. Puis c'est de l'exploration. Comme toi, t'explores, ben c'est de l'exploration que nous autres on fait en le regardant aussi. Ouais, ben félicitations. Merci beaucoup. C'est une belle découverte pour moi que j'ai fait. Alors, c'est ça. Je te remercie infiniment, André, de nous avoir fait découvrir l'univers de ton art, qui nous fait voyager à travers toutes les nuances de ton imagination, entre le noir et le blanc, et le gris, toutes les nuances qu'il y a entre les deux, et les tonalités subtiles qui se présentent dans ces couleurs-là, ainsi que tes créations à l'acrylique. Alors, merci beaucoup, puis bonne continuation. Merci pour longtemps. Merci. De rien.